مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. أخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن آجي الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب الاستثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق الكلام عن التمييز. On avait pu prendre باب التمييز dans lequel المؤلف رحمه الله تعالى il nous avait évoqué une partie du tamiz et des exemples qui ne s'appliquent pas à cette moitié de tamiz qu'il avait évoqué rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Naam. Fa dhakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anna at-tamyiz huwa al-ism al-mansub al-mufassir liman bahama min al-dhawat. On a pu voir que cette définition là il y avait certaines des intiqadat et elle était incomplète. Il y a une critique par rapport au fait qu'il a dit huwa al-ism al-mansub fa ja'ala at-tamyiz rahimahullahu ta'ala kullahu mansouba. J'avais évoqué que le tamiz, il n'est pas forcément mansoub. Il peut être mansoub comme il peut ne pas l'être. Donc le fait de généraliser par rapport au jugement de l'arabe du monde du tamiz et de dire qu'il est huwa al-ism al-mansoub hakada itlaqan, c'est critiquable car il y a d'autres sortes de tamiz qui ne sont pas mansoub. Naam. Et il avait évoqué juste une partie, il avait dit liman bahama. Donc le rôle du tamiz, c'est venir éclaircir une chose qui a été dissimulée. Et le tamiz yunqasimu ila qismayn. Tamiz al-dhat wa tamiz nisba. Et celui qu'on avait pu prendre, c'était celui qui était tamiz al-nisba. Wa tamiz al-nisba huwa wa tamiz yani d'une manière générale, awalan ism nakira المفسر لما بهما من الذوات أو النسب. نعم. Donc après il y a un قسم القسمين تمييز النسبة وتمييز الذات. تمييز الذات c'est celui dont il évoquait المقادير, que ce soit un poids, une mesure, une surface, un nombre et l'akhir. Si on trouve un tamiz qui est en relation avec une de ces choses là qui fait partie des مقادير, et bien on va l'appeler تمييز ذات. Et son حكم malgré qu'on l'a pas vu, laquelle on énonce d'une manière من باب الفائلة, le hukm du tamiz al-dhat, c'est qu'il est, il peut être mansoub comme il peut être majrour. Inch'Allah, ça va voir dans un autre kitab. Amma, celui qu'on avait pu voir, c'est tamiz al-nisba. Le fait de venir et d'éclaircir man tasaba ila al-ism, la chose qui s'apparente à la chose qui est avant le tamiz. Ça, c'est le rôle du tamiz al-nisba. Donc, c'est ce qui est en dehors du tamiz al-dhat. Si on connaît tamiz al-dhat, par élimination, on va connaître tamiz al-nisba. Et le tamiz, on avait pu voir que comment on fait pour le reconnaître de manière générale, c'est celui yani qaddira makana ala taqdir min. Le tamiz, comment tu fais pour le reconnaître, c'est que tu peux sous-entendre avant lui min lil bayan, car on a pu voir que le tamiz, c'est pour le bayan, c'est pour éclaircir une chose. Donc si jamais on peut sous-entendre 1000, ça veut dire que ce ism mansoub, ou bien le mot qui est derrière lui, c'est quoi? C'est un tamyiz. Comme مثلاً, il avait dit parmi les exemples, non, tasabbaba zaydun araqa, ay tasabbaba zaydun min araqin. Donc le fait que j'ai pu sous-entendre 1000 avec araq, ça nous montre que araqan, c'est un tamyiz. Non. التمييز نسبة. On a pu voir que lui aussi كذلك ينقسم إلى أقسام. تمييز نسبة محول وتمييز نسبة غير محول. فالمحول c'est celui qui est dont la نعم à la base ce n'est pas un تمييز لكن حول il a été modifié en تمييز. On a pu voir que à la base il peut être ce genre de تمييز qui est محول. À la base il peut être un فاعل comme un maf'ul bihi ou bien un mubtada. Un fa'il comme dans l'exemple tasabbaba zaydun araqa. Ay al-asl de araqa c'est que c'est un fa'il. Tasabbaba araqu zaydin. Tam araqu huna c'est un fa'il. Tam là-bas c'est un fa'il et on peut l'utiliser sous une autre forme d'expression en tamyiz tasabbaba zaydun araqa. Ça on appelle quoi? Tamyiz nisba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion de maqadir, de hadad et d'akhirih. Et c'est un tamyiz nisba muhawwal limadha li'anna araqa à la base c'est un fa'il. Kazalika par rapport à la ayah wafajjarna al-ardha 'uyuna. Ça kazalika c'est un tamyiz nisba et c'est un tamyiz nisba muhawwal min maf'ulun bi ila tamyiz. On peut dire en dehors du Coran une autre manière de s'exprimer, on peut dire wafajjarna 'uyuna al-ard. Fa 'uyun huna son i'rab dans la jumla c'est maf'ulun bihi qui a été huwila ila tamyiz. Et كذلك on a pu voir que il peut être aussi à la base mubtada كما في قول الله سبحانه وتعالى انا اكثر منك مالا واعز نفرا. On va prendre juste la première partie. انا اكثر منك مالا. فمالا هنا سنتميز نسبه لان il y a pas de notion de hadad. Et ça muhawwal parce que mal à la base c'est un mubtada. اي مالي اكثر منك. Mon argent est beaucoup plus nombreux que le tien. مالي اكثر منك. Donc ça c'est le tamyiz qui est nisba et qui est muhawwal. Et son autre et non, son jugement à celui-là, c'est qu'il est quoi? Da'iman mansoub. Lorsqu'on dit at-tamyiz huwa mansoub, n'am. On dit le tamyiz an-nisba al-muhawwal, il est da'iman mansoub. Après les autres sortes de tamyiz, tamyiz dhat, il n'est pas da'iman mansoub, il peut être mansoub, il peut être majrur. Amma celui qui est nisba et muhawwal, il peut être que mansoub. Celui qui est tamyiz nisba l'autre qism, tamyiz nisba ghayr muhawwal. Celui dont la nature, c'est que c'est un tamyiz et pas autre chose. C'est un tamyiz et pas autre chose. Son jugement celui-là, je ne sais plus si j'avais évoqué, lakin min bab al-fa'ida, le celui qui n'est pas muhawwal, yajuz al-nasb wa al-jar. Il peut être majrur comme il peut être mansoub, comme le tamyiz al-dhat. Ensuite, il avait évoqué celui qui était en relation avec le cours. Le tamyiz an-nisba ghayr muhawwal dans lequel il est utilisé un ism tafdil. Dans lequel il est utilisé un ism tafdil. Face à celui-là, on avait pu voir qu'il y a deux situations. Si jamais, dans ce tamyiz nisba ghayr muhawwal dans lequel il y a un ism tafdil, le tamyiz et celui vers lequel il revient, il s'apparente, ils sont du même jins, et bien dans ce cas-là, yajib. أن يكون مجرورا. Il faut qu'il soit مجرور. Comme مثلا, si jamais je dis أنت أفضل الناس رجلا. أنت أفضل الناس رجلا. فهنا c'est un tamyiz qui est نسبة. Parce que رجلا c'est pas un عدد, c'est pas une mesure, c'est pas une surface, c'est pas un poids. Donc ça peut être qu'un tamyiz نسبة. محول أو غير محول. Celui-là il est غير محول. Parce que la base de رجلا c'est رجلا تمييز. Dans cette tamyiz nisba ghayr muhawwal, il y a un ism tafdil. Donc là, il y a une situation dans laquelle il faudra qu'on fasse attention. Est-ce que rajulan et n'am anta afdalun nas rajulan? Est-ce que rajulan et anta, ils sont du même jins? N'am. Lorsque tu dis anta, ça rentre dans la catégorie du rajul. Une personne rentre dans la catégorie du rajul. Il y a un ittihad par rapport à quoi? Au jins. C'est le même genre. Il rentre dans le genre d'âme. Fa ha huna yajib an yakuna al tamyiz huna majruran bil idafa. Anta afdalu nas. Non, je me suis trompé d'exemple. Anta afdalu rajulin. J'ai dit afdalu nas rajulan, afwan. Anta afdalu rajulin. Fahahuna, on ne peut pas dire anta afdalu rajulan, c'est interdit. On ne peut pas dire anta afdalu rajulan. Pourquoi? Parce que cet exemple-là, c'est un tamyiz nisba ghayr muhawwal, dans lequel il y a une idafa, et dont le tamyiz et celui, on va dire sahib et tamyiz, ils sont du même jins, donc dans ce cas-là, il est obligé d'être le tamyiz mudafun ilayhi. Comme dans l'exemple, afdalu, anta afdalu rajul, anta afdalu rajulin. C'est interdit de dire anta afdalu rajulin. Ça, c'est une khata et c'est un lahn fi al-nahu. C'est une erreur grammaticale. Ma'am. Si jamais c'est le même exemple-là, c'est-à-dire celui qui est du même jins, dans lequel on retrouve un ism tafdil, on ne peut pas faire al-idafa entre le tamyiz et le ism tafdil. Dans ce cas-là, même si jamais il doit être majrour, eh ben on va le rendre mansoub. Comme on avait pu voir avec l'exemple qu'il avait cité, rahimahullah ta'ala, c'était lorsqu'il avait dit Zaydun, n'am. Zaydun, il avait cité lequel, n'am. Zaydun akramu minka aben. Fa Zayd, il rentre dans le genre des pères. T'am, c'est un père parmi les pères. T'am. Donc c'est, il rentre dans ce genre-là. Dans lequel il y a un idafa. T'am. Lakin, hauna, la personne peut se dire, on a vu que lorsque le tamiz et le nisba, dans lequel il y a une adafa, et que entre le tamiz et sahib et tamiz, ils sont du même jins, il doit être majrour. Alors que dans l'exemple qu'il a cité, al-muallif dans l'ajrumiyya, il a dit Zaydun akramu minka aben. Il n'a pas dit abin. Enfin, dans ce cas-là, on dit pourquoi il n'est pas majrour? Parce qu'on ne peut pas faire de idafa. Parce que entre aben et akramu, il y a le jar ou le majrour qui empêche de pouvoir faire l'idafa entre akramu et abin. Donc dans ce cas-là, il peut être que quoi? Que mansoub. Dans ce cas-là, il doit être mansoub parce qu'on ne peut pas faire de idafa entre les deux. Donc ça, kazalika, c'est une condition rajoutée. Le tamiz, un nisba ghayr muhawwal, dans lequel il y a une idafa et qu'il y a un ittihad entre le tamiz et sahib le tamiz au niveau du jins, il doit être majrour, excepté si jamais on ne peut pas faire de idafa entre le ismu tafdil et le tamiz, comme c'est le cas dans l'exemple Zaydun akramu minka aben. On ne peut pas dire akramu minka abin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de idafa entre akramu et ab. Quelle est la chose qui nous empêche cela? Minka. Il est venu s'interposer entre le ism tafdil et le tamiz. Si jamais, donc la deuxième catégorie, si jamais le tamiz c'est un nisba ghayr muhawwal dans lequel il y a une idafa, lakin entre le tamiz et sahib le tamiz, il n'y a pas d'ittihad au niveau du jins. Ce sont deux genres différents. Comme elle avait évoqué, Mathalan l'avait dit Zaydun ajmalu minka wajhan. Fa waj et Zaydun, c'est deux genres différents. Le waj c'est une chose, wa Zaydun c'est une chose. Ça ne rentre pas dans le même genre. Zaydun ajmalu minka wajhan. فهنا يجب أن يكون التمييز منصوبا. Il faut qu'il soit منصوب. C'est obligé. Dans ce cas-là, lorsque il n'y a pas de ittihad, d'uniformité entre le tamiz et entre sahib le tamiz dans lequel il y a une idafa, on ne peut pas, dans ce cas-là, le rendre majrour. Il doit être منصوب. Tam daiman. Fait dans deux cas, يجب أن يكون التمييز منصوبا. Dans le cas où le tamiz c'est un quoi? Tamiz nisba muhawwal. Tamiz, nisba, muhawwal. Dans ce cas-là, il est obligé d'être mansoub. Lorsqu'il est nisba, muhawwal. Nisba, muhawwal, yajib yana kuna mansouba. Comme elle avait dit, tasabbaba zaydun araqa. Dans ce cas-là, il est obligé d'être mansoub. Et dans le cas où, kathalika, c'est un tamiz, nisba, ghayr muhawwal, dans lequel il y a une idafa, et entre le sahib et tamiz, et le tamiz, il n'y a pas d'uniformité. Dans ce cas-là, il est obligé d'être quoi? Mansoub. Comme dans l'exemple, Zaydun ajmalu minka wajhan. Et dans le reste de ces cas-là, si jamais tu veux, tu le rends mansoub. Si jamais tu veux, tu le rends majrour. Na'amun oubiyan, un cas kazalika, c'est lorsque le tamiz, nisba, ghayr muhawwal, dans lequel il y a idafa, il y a une uniformité entre le tamiz et sahib le tamiz, lakin on ne peut pas faire de idafa. Dans ce cas-là, kazalika, il faut qu'il soit mansoub. Donc dans trois situations, il est obligé d'être mansoub. Et dans le reste, si jamais tu veux, tu le rends mansoub. Et si jamais tu veux, tu ne le rends pas mansoub. C'est-à-dire que tu le rends majrour. Le tamiz, yahtaj ila muraja'a. Et le nahmou, c'est ça. Il est simple, lakin tu vas trouver, مثلا, dans un chapitre, il va ramener le tamiz, il va lui ramener différentes catégories. Le tamiz, il se divise en telle et telle partie, et cette partie-là se divise en telle et telle partie, et cette autre partie, cette même partie, elle se divise en telle et telle partie. Fait, le nahwu, ils l'ont donné comme exemple, comme si jamais c'était un savon. Il y a un savon qui est un peu mouillé, qui essaie d'attraper. Hein. Le nahwu, c'est simple, comme. لكن يحتاج إلى مراجعة. تمام؟ يحتاج إلى مراجعة وتركيز. وكذلك من تطبيق. لنحو il faut l'appliquer. Et c'est la meilleure manière, inshallah, de ne pas l'oublier, car il se dit il y a beaucoup de catégories, de sous-catégories إلى آخره. نعم. فهذا c'était la مراجعة. La مراجعة الحاصل de ce qu'on a pu évoquer la semaine dernière par rapport au bab qui s'appelle bab التمييز. Il demande un peu un تركيز. نعم. On va entrer, inshallah, dans le nouveau bab qui est bab al-istithna. Qala al-mu'allif wa rahimahullah ta'ala, qala babu al-istithna. Wal-istithna, lughatan, c'est ikhraj shay an shay. C'est le fait d'extraire une chose d'une autre. Istithna shay'an, ay akhrajahu min qa'idatin amma. Ça, c'est dans la langue arabe. Lorsque tu dis istithna fulan, kaza min kaza. Il a soustrait cette chose d'une autre chose. Qala, rahimahullah ta'ala, باب الاستثناء. Donc ça c'est من حيث اللغة. قال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. المؤلف رحمه الله تعالى il n'a pas évoqué dans ce chapitre là la définition même du الاستثناء. Comme à son habitude, lorsqu'il évoque un chapitre, ensuite il évoque كذلك sa définition au niveau du نحو. فها هنا بدأ مباشرة رحمه الله تعالى إلى إكسبوزي لحروف الاستثناء لكن قبل ذلك pour que الطالب يتصور ما هو الاستثناء لابد أن يعرف الحد. Il faut qu'il connaisse la définition de الاستثناء pour pouvoir cerner ensuite tout ce qui en découle de cette chose là qui s'appelle الاستثناء. فالنحا les grammairiens ils ont évoqué comme définition propre الاستثناء. قالوا هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. Et on rajoute, ça c'est moi qui l'ai rajouté, في الغالب. إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها في الغالب. C'est le fait d'extraire une chose par le biais des أدوات الاستثناء, c'est-à-dire les outils de الاستثناء pour extraire, c'est-à-dire إلا et tout ce qu'il a ramené comme حروف d'un jugement qui lui a précédé. Et ça, ça fait le râle. Parce qu'on va voir que des fois, on va utiliser al-istithna, laquelle on ne va pas extraire le mustathna d'une chose. On va citer un exemple, Inch'Allah, pour que la définition soit un peu plus claire. Fait, il a dit, plutôt on a évoqué, puisqu'il n'a pas évoqué lui la définition, ikhraj ma ba'd adat al-istithna min hukmi ma qablaha fil râle. Si jamais je dis, مثلاً, ja'a al-qawm illa muhammadan. Ja'a al-qawm illa muhammadan. Le peuple est venu excepté muhammadan. Excepté muhammad. Illa bima'na excepté. Sauf muhammad ila akhirihi. Parmi les synonymes de excepté ila akhirihi. Faha huna, lorsqu'on a dit ja'a al-qawm illa muhammadan, on a extrait ikhraju ma ba'da adat al-istithna. Fa adat al-istithna dans ma ja'a al-qawm illa muhammadan. Adat al-istithna هنا c'est quoi? C'est illa. Donc il a dit ikhraj ma ba'da adat al-istithna, c'est le fait d'extraire la chose qui vient après le adat al-istithna, c'est-à-dire illa wa akhawatuha. Donc là dans ce cas, dans cet exemple là, c'est quoi? C'est Muhammad. On l'a extrait de quoi? Du hukm alladhi qablaha, ay qabla adat al-istithna. On l'a soutiré du jugement qui figure avant adat al-istithna, qui est quoi? La venue du qawm. Ça c'est le jugement. Ja al qawmu, ça c'est quoi? Le jugement. Alladhi qabla adat al-istithna. Adat al-istithna c'est quoi? C'est illa. Wal mustathna, celui qui est extrait, c'est Muhammad. Donc on a extrait Muhammad par le biais de illa du jugement qui est qabla illa, qui est la venue du qawm. Ma ja al qawm illa Muhammadan. Ça c'est at-tawdih de la définition qu'ils ont évoquée par rapport à bab al-istithna. Ikhraj ma ba'da adat al-istithna min hukm ma qablaha fil ghalib. On a rajouté le mot fil ghalib parce que des fois il n'y a pas une chose qui est extraite. Maintenant j'ai jamais dit ma ja illa muhammadun, ma ja illa muhammadun. Fa hauna muhammadun On ne l'a pas extrait d'une chose. On a dit, Maja ila Muhammad. Il n'y a que Muhammad qui est venu. Est-ce qu'on l'a extrait d'un peuple ou bien d'une autre chose? On ne l'a pas extrait. C'est pour ça que je dis, fil ghalib. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on utilise illa pour extraire la chose qui est juste après lui, qui s'appelle al-mustathna, d'une autre chose. Ça, c'est fil ghalib. Amma ma ja al-qawmu illa Muhammadan na'am. Là, on a extrait Muhammad du qawm. Et il n'est pas venu. Dans tout le peuple, excepté Muhammad, c'est lui qui n'est pas venu. Tout le peuple est venu, excepté Muhammadan. Muhammad, c'est lui qui n'est pas venu. C'est pour ça que je dis fil ghalib par rapport à l'exemple. Maja illa Muhammadun. Maja illa Muhammadun. On n'a pas extrait. On a juste dit qu'il n'y a que Muhammad qui est venu. Donc l'istisna, arkanuhu, ça peut être soit ithnain ou thalatha. Ithnain ou thalatha. Et c'est thalatha fil ghalib. Il a trois arkanes. Il y a al-mustathna min, la chose dans laquelle on va extraire, on va puiser. Il y a adat al-istithna, l'outil par lequel on va extraire. Et on a quoi? Al-mustathna, celui qui va être extrait. Dans l'exemple, ma ja'a, ou plutôt j'avais dit quoi? Naam, ja'a al-qawmu illa muhammadan. Fa al-qawmu huna, c'est al-mustathna min, c'est celui dont on va extraire Muhammad. Illa, c'est adat al-istithna. Et Muhammad, c'est al-mustathna. Arkan al-istithna, thalatha. Al-mustathna min, adat al-istithna, ou bien tu peux dire kadhalika al-istithna, non, adat al-istithna, et al-mustathna. On a besoin de ces trois choses-là, fil ghalib. Et comme on a pu le voir, dans certains cas, tu n'as besoin que de quoi? Adat al-istithna ou al-mustathna. Ma ja illa Muhammadun. Ma ja illa Muhammad, huna, il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas de mustathna min. فهذا سيكوا أركان الاستثناء نعم كذلك الاستثناء ينقسم إلى قسمين celui-là aussi كذلك c'est un peu comme tamiz il y a que des aqsam لكن c'est un peu plus simple que tamiz c'est un peu plus simple que tamiz الاستثناء ينقسم إلى قسمين استثناء متصل واستثناء منقطع الاستثناء ينقسم إلى قسمين استثناء متصل واستثناء منقطع ما معنى الاستثناء المتصل أي أن يكون المستثنى بعضا مما قبله من المستثنى من أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى من lorsqu'on parle du مستثنى qui est متصل c'est-à-dire que le مستثنى comme on a évoqué c'est-à-dire مثلا dans l'exemple ما جاء القوم إلا محمدا Muhammadan, huna, c'est quoi? C'est le mustathna. Ils disent, pour qu'on puisse dire que le mustathna, l'istithna, c'est un istithna qui est muttasil, il faut que le mustathna, ce soit en bas, c'est-à-dire, il fasse partie du mustathna min. Comme c'est le cas de Jal Qom et la Muhammad. Muhammadan, il fait partie du Qom. Il fait partie du Qom, lakin il n'est pas venu. Il fait partie du Qom. Ce genre de istithna, on l'appelle al-istithna al-muttasil. Pourquoi? Parce que le mustathna, il fait partie du mustathna min. Ay huwa ba'da minhu. Wa huwa min jinsihi. Il fait partie du genre du mustathna minhu. Comme dans l'exemple, on a ja'a al-qawmu illa Muhammadan. Fa Muhammad huna, c'est un mustathna qui fait partie du Qom. On appelle quoi? Comment ce genre de istithna? الاستثناء المتصل أي أن يكون المستثنى بعضا أو جنسا من المستثنمين نعم la deuxième partie ou plutôt la deuxième catégorie c'est الاستثناء المنقطع الاستثناء المنقطع ما معنى المنقطع منقطع معروف c'est la chose qui est dans lequel il y a qui est coupé المنقطع c'est celui qui est coupé le fait de rompre Al-istithna al-munqati' c'est l'inverse du muttasil. C'est-à-dire que c'est celui dont le mustathna laysa ba'dan mimma qablahu. Le mustathna, il ne fait pas partie de la chose qui est avant adat al-istithna. Comme nous avons évoqué comme exemple, na'am, qalu li kulli da'in dawa'un li kulli da'in dawa'un illa al-mawta. Pour chaque maladie, il y a un remède excepté la mort. Al-an لكل داء دواء إلا الموت. الآن داء c'est le مستثنى من la chose dont on veut extraire. إلا c'est adat الاستثناء. الموت c'est le مستثنى. Est-ce que cet exemple-là لكل داء دواء إلا الموت est-ce que c'est un مستثنى qui est منقطع ou bien qui est متصل؟ هنا il est منقطع. Pourquoi? Parce que le مستثنى celui qui est après إلا il ne fait pas partie du mustathnamin, qui est da. Est-ce que la mort c'est une maladie? C'est pas une maladie la mort, hein. La mort c'est pas une maladie. Ce genre d'exemple-là, on l'appelle un istithna qui est quoi? Qui est munqati'. C'est-à-dire que le mustathna ne fait pas partie du mustathnamin. Comme dans l'exemple qu'on a, likulli da'in dawa'un illa al-maut. Pour chaque maladie, un remède, excepté la mort. Naam. Et la mort n'est pas une maladie. Ce genre de istithna, on l'appelle quoi? Mustathna munqati'. Pourquoi on ramène ces choses-là? Parce que pour chaque catégorie, muttasil, munqati', et la akhirih, il y a un hukm, il y a un jugement qui va être apparenté à chacune de ces catégories-là. Donc il est important de les évoquer. Et le mu'allif, rahimahullah ta'ala, il les a plus ou moins évoqués. Donc ça nous demande, ça demande à ce qu'on les connaisse avant qu'on rentre dans le matin. Naam. Donc là, on a pris deux catégories. Al-istithna, imma muttasil, imma munqati'. Muttasil, c'est celui dont le mustathna, il fait partie du mustathnamin. Al-munqati', c'est celui dont le mustathna ne fait pas partie du mustathnamin. L'istithna, kathalika, al-istithna, kathalika, yanqasimu, ila qismain. Il peut être tam, et il peut être mufarrar, ou bien l'appelle naqis. Tam, ou bien naqis. Ma ma'na tam, c'est-à-dire que le mustathnamin, il a été évoqué. Le mustathnamin, il a été évoqué. Comme dans l'exemple, ma ja'a, ou plutôt ja'a al-qawmu illa muhammadan, ja'a al-qawmu illa muhammadan, fa ja'a al-qawmu illa muhammadan, c'est un mustathna qui est quoi? Qui est, barakallahu fikum, qui est muttasil et qui est tam. Muttasil, de toute façon, tout ce qui est muttasil est obligé d'être tam. Tout ce qui est muttasil est obligé d'être tam, parce qu'on a dit muttasil, c'est celui dont le mustathna, il fait partie du mustathnamin. C'est-à-dire que le mustathna, il a été évoqué. Tam. Et le mustathnamin, plutôt, tam, il a été évoqué. Et celui qui est, celui qu'ils appellent le mustathna, qui est tam, c'est celui dont l'istithna a été évoqué. Comme c'est le cas dans Ja al-Qawmu illa Muhammadan. Fait ce genre de istithna-là, on l'appelle muttasil et on l'appelle tam. Et tout muttasil est l'objet d'être tam. Pourquoi? Parce qu'il a été évoqué. Le tam, c'est celui qui a été évoqué. Le mustathna, huna, il a été évoqué. C'est quoi, huna? Le mustathna, il a été évoqué, qui est al-qawm. Ja al-qawmu illa muhammadan. Fait là, on appelle ça istithna tam. Naam. Son opposé, on appelle al-istithna al-naqis, comme il a évoqué le mu'allif, on va y venir. Lakin, dans la plupart des kutub, on le voit, il appelle al-istithna al-mufarrar. Al-istithna al-mufarrar, c'est celui qui n'est pas tam. Al-mufarrar, c'est celui qui n'est pas tam. C'est-à-dire celui dans lequel il n'a pas été évoqué le mustathnamin. Comme on l'a cité dans l'exemple, ma ja illa muhammadun. Ma ja illa muhammadun. Fait dans cette phrase-là, cet exemple-là, le mustathnamin, il n'a pas été évoqué. Ma ja illa muhammadun. On a juste al-istithna, on a juste, kadhalika avec lui, al-mustathna. Amma al-mustathnamin, il n'a pas été évoqué. Ma ja illa muhammadun. Ce genre d'exemple-là, on l'appelle al-istithna, parce qu'on a trouvé illa, donc c'est un genre de istithna, lakin un istithna qu'on appelle mufarrar, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas été évoqué al-mustathnamin, ma ja'a illa muhammadun. On n'a pas évoqué de qawm, on n'a pas évoqué ila akhirihi. Là, dans ce cas-là, lorsqu'il n'est pas évoqué totalement, on l'appelle istithna mufarrar. Kazalika, il a un jugement, inshallah, on va y venir. La dernière catégorie, le mustathna yanqasimu bi'tibar al-ijab wa ghayr al-ijab. Il y a un istithna qui s'appelle, on l'appelle al-mustathna al-mujab wa al-mustathna ghayr mujab. Celui qui est affirmatif et celui qui est quoi? Négatif. Qui apporte le sens de la négation et d'autres qui apportent le sens de l'affirmation. C'est tout simplement, il y en a lorsque c'est une affirmation, comme on a pu le voir, ja'a al-qawmu illa muhammadan. Ça on appelle quoi? Ce istithna-là, on l'appelle istithna mujab. Pourquoi? Parce que le sens de la phrase n'est pas une négation. Ja al-qawmu illa Muhammad. Il n'y a pas de négation dedans. Et qu'est-ce qui est voulu par yani, le mujab lorsqu'on dit, c'est celui qui est affirmatif, dans lequel il n'y a pas de négation, c'est-à-dire qu'on ne trouve ni un nafi, ni un nahi, et ni un istifham. Trois choses. Ni un nahi, ni un nafi, ni un istifham. Il n'y a pas de nahi, il n'y a pas de négation, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de négation, il n'y a pas d'interrogation. Si jamais maintenant j'aurais dit ma ja'a al-qawmu illa muhammadan, celui-là on n'appelle pas istithna mujab, on l'appelle ghayr mujab. terme négatif. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé dans cette phrase-là, elle a le sens, c'est une jumla qui est quoi? Manfiya. Terme une jumla qui est négative. Si j'aurais dit, مثلاً, لا يقوم القوم إلا محمدا لا يقوم القوم إلا محمدا كذلك ها هنا, c'est une jumla qui est quoi? Qui est غير موجب, parce qu'on a trouvé une interdiction. لا يقوم, terme, j'ai interdit. Terme. Le peuple ne se lève pas excepté Muhammad. هل يقوم أحد إلا محمدا كذلك هنا, c'est un istithna qui est غير موجب. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé dedans une interrogation. J'ai dit هل. Lorsque on trouve soit l'interrogation, soit la négation, soit interrogation, négation, soit la interrogation, négation et une interdiction, on va l'appeler istithna غير موجب. Il y a muttasil et munqati'. Muttasil, son inverse, munqati'. Tam, il y a son inverse qui est quoi? Mufarra. Mujab, son inverse qui est quoi? Ghayr mujab. Si jamais je dis, مثلاً, Ja al-qawmu illa Muhammadan. Ce genre de istithna, on l'appelle al-istithna muttasil tam et qui est mujab. Muttasil, pourquoi? Parce que le mustathna, il fait partie du mustathna min. Ja al-qawmu illa Muhammad. Muhammad, il fait partie du Qawm. Donc, muttasil. Il est tam parce que le mustathnamin l'a été évoqué. Ja al-qawmu. Le mustathnamin, c'est celui-là. Tam. Qawmu. Illa Muhammadan. Donc, il a été évoqué. Mujab, parce qu'il est la porte-sens de l'affirmation. Il n'y a rien. Il n'y a aucune négation. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interrogation. Donc, il est mujab. On appelle ce genre de istithna dans l'exemple. Ja al-qawmu illa Muhammadan. Istithna. Tam, muttasil, mujab. Et certains, ils évoquent directement tam et mujab. Parce que si jamais il est tam, ou plutôt si jamais il est, si jamais il est muttasil, c'est qu'il est forcément tam. Si jamais il est muttasil, c'est qu'il est, il est forcément qui est tam. Muttasil, c'est celui dont le mustathna, il fait partie du mustathnamin. Donc si jamais il fait partie du mustathnamin, c'est-à-dire que le mustathnamin, il a été évoqué. Donc si jamais il a été évoqué, il est tam. Donc, lorsqu'il est muttasil, il peut être que quoi? Tam. Ensuite, il peut être mujab et il peut être ghayr mujab. Ça, c'est une autre chose. Tam. Naam. Si, lorsque je dis, naam, ma ja al-qawmu illa Muhammadan. Tam. Ma ja al-qawmu illa Muhammadan. Kazalika hahuna. Tam, c'est un istithna qui est quoi? Qui est muttasil. Un istithna qui est muttasil. Pourquoi? Parce que Muhammadan, il fait partie du qawm. Ba'du minhu. Donc, il est muttasil. Est-ce qu'il est tam? Naam, il est tam. Parce que forcément, si jamais il est muttasil, il est forcément tam. C'est-à-dire que le mustathna, il a été évoqué, qui est al-qawm. Est-ce qu'il est mujab? Là. Là, il n'est pas mujab. Tam. Ma ja al-qawmu illa Muhammadan. Là, j'ai évoqué la négation. Ma. Tam. Le peuple n'est pas venu excepté Muhammad. On appelle ça muttasil tam. On peut même dire tam ghayr mujab. Tam mubashara. Tam ghayr mujab. Tam parce qu'il a été évoqué. Et ghayr mujab parce qu'il y a une négation. Si jamais je dis ja'a Muhammad, ma ja illa Muhammadun, ma ja illa Muhammadun. Lorsque tu vois dans l'istithna que le istithna, le mustathnamin n'a pas été évoqué, comme c'est le cas ici, ma ja'a illa Muhammadun, on n'a pas évoqué de mustathnamin. Il y a juste al-istithna et le mustathna. Al-istithna illa est celui qui vient juste après. Si jamais le mustathna n'est pas évoqué, ça on appelle quoi? Munqati'. Directement. Munqati'. Et tu n'as pas besoin de ramener tam, ghayr tam, ila akhirih. À partir du moment qu'il n'a pas été évoqué, on appelle ça mufarra. On appelle ça mufarra. Lorsque le mustathna min, il n'a pas été évoqué, on appelle ça mufarra. Directement. Et tu n'as pas besoin de savoir s'il est mujab, s'il est mujab ou il n'est pas mujab. Si jamais il apporte l'affirmation ou bien la négation, tu n'as pas besoin de savoir cela. À partir du moment qu'il n'est pas évoqué, khalas. C'est. Mets-le dans la catégorie qui s'appelle Mufarra et il y a un jugement qui va arriver, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième exemple, si on me dit, par rapport à l'exemple qu'on avait dit, لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمُوتِ. Celui-là, c'est un istithna qui est quoi? Qui est munqati'. Pourquoi? Parce que al-mut, il ne fait pas partie du jins du da', il ne fait pas partie de la maladie. La mort, ce n'est pas une maladie. Donc le fait qu'il ne fait pas partie de sa catégorie, de son genre, on appelle ça munqati'. Et inqata'a baynahuma, il y en a fait le jins. Il n'y a pas de relation entre eux dans le jins. Donc il est munqati'. Munqati'. Est-ce qu'il est tam ou pas? Naam. Là il est tam. Parce que même si jamais il ne fait pas partie La maladie Adda, qui est le Mustathnamin, a fait pas partie du Mustathna, même si jamais elle fait pas partie, bah, elle a été évoquée. Et le fait qu'elle a été évoquée, c'est considéré comme un Mustathnamin. Même si jamais il n'a pas été, on n'a pas routi, on n'a pas extrait Al-Mout, Minal, comment s'appelle, Minal Adda, la maladie. Lakin, elle a été évoquée. Elle a été évoquée. Est-ce qu'il est Mujab ou Ghair Mujab? Hona, il est quoi? Il est Mujab. Likulli da'in dawa'un illa al-mut. Là, il est Mujab, c'est une phrase qui est quoi? Affirmative. Fait, chacune de ces catégories-là que j'ai évoquées, il y a quoi? Il y a un jugement qui est en relation avec cela. Ça, c'était important de l'évoquer, parce que ce qu'il va évoquer derrière Al-Mu'allif, il faut rahimahullah ta'ala, c'est en relation avec ce que je viens de dire, et il fallait savoir cela afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il va dire après, ou bien sinon ça va être un peu compliqué. قال رحمه الله تعالى قال حروف الاستثناء ثمانية. Donc il a évoqué que les حروف الاستثناء ils sont au nombre de 8. لكن الصحيح c'est que ils sont pas au nombre de 8. إلا قال إلا wa illa c'est umul bab, c'est-à-dire que c'est la source, c'est la référence dans bab al-istithna, c'est illa, comme dans al-nawasikh c'est parmi les ahruf c'est inna, on dit inna wa akhawatiha, dans les afham on dit kana wa akhawatiha ila akhirih, fa dans l'istithna c'est illa wa akhawatuha. Qala wa ghayr, et tout ce qui va évoquer ils ont tous le même sens, hein? Illa yani sauf excepté, ghayr kadhalika sauf excepté dans ce bab là qui est al-istithna. قال سوى وسوى وسواء, et il a compté سوى comme un istithna, وسوى comme un istithna, وسواء comme un istithna, alors que les trois c'est la même chose, c'est trois lugha, c'est trois langues, trois manières de décrire سوى, نعم سواء سوى سوى وسوى, tout cela c'est une même chose, et lui il a compté comme si jamais chacun d'eux c'était un istithna à part entière, lakin c'est pas sahih. قال, donc là ça veut dire qu'il y en a une, deux, trois, 4, 5, 6, il y en a deux encore, Inch'Allah, qui sont à venir, d'autres kitab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eden. Naam. Qala, wa khala, wa wahada, wa hasha. Donc ça c'est quoi? Akhawati illa. Tu peux dire, mathalan, dans chaque phrase, on va mettre un exemple. Ja' al-qom illa muhammadan. Ja' al-qom ghayr muhammadin. Ja' al-qom siwa muhammadin. Ja' al-qom khala muhammadan. Ja' al-qom hada muhammadan. Ja' al-qom hasha muhammadan. Tous les exemples que j'ai évoqués, ils ont le même sens qui nous indique que Muhammad, ou plutôt le qom est venu excepté Muhammad. Ils ont tous le même sens. Qala rahimahullah ta'ala qala fal mustathna bi illa yunsab. Non, parce que on va voir kadhalika par rapport aux adawat, il y a des ahkam. Par rapport aux adawat, il y a des ahkam. Donc là il va parler du istithna qui se fait avec illa. Qala fal mustathna bi illa yunsab idha kana al kalam taman mujaban. Donc on était obligé d'évoquer ce genre de muqaddima un petit peu. Qala al mustathna bi illa yunsab ay wujuban, il est obligé d'être mansub, c'est pas jawazan. Fal mustathna bi illa yunsab, il est obligé d'être mansub idha kana al kalam taman mujaban, à partir du moment que le kalam il est tam, c'est-à-dire que on a trouvé al mustathna min, et ce mustathna min il est muttasil. Il faut évoquer ça aussi. Ce mustathna min il est muttasil et il fait partie. Il fait partie du mustathna. Plutôt le mustathna il fait partie du mustathna min. Et il est mujab, c'est-à-dire que la phrase apporte le sens de l'affirmation. Comme on a pu l'évoquer, ja'a muhammadun, plutôt ja'a al-qom illa muhammadan. Ce genre de istithna-là, il est obligé d'être quoi? Il est obligé d'être le mustathna, il est obligé d'être mansoub. Pourquoi? Parce que la phrase, c'est un istithna qui est muttasil, dans lequel le mustathna et le mustathna min, ils sont du même jins. Tam, il est tam, c'est-à-dire qu'il a été évoqué, le mustathna min, qui est quoi? Al-qom. Et le mujab, parce qu'il n'y a ni une négation, ni une interdiction, et ni kazalika, une interrogation. Tam, on n'a pas dit, ma ja'a al-qom illa muhammadan, et on n'a pas dit kazalika, la yakum al-qom illa muhammadan, et on n'a pas dit kazalika, hal-qom al-qom illa muhammadan. Donc dans ce cas-là, yajib, il est obligé d'être mansoub. Ja'a al-qawm illa muhammadan, si jamais une personne a dit ja'a al-qawm illa muhammadin ou bien illa muhammadun, ça c'est une khata, c'est un lahm fil lugha al-arabiya, c'est une erreur grammaticale. Ja'a al-qawm illa muhammadan, limaza yajib an yakun mansuba, li'an al-kalam istithna muttasilun tamun mujab. Il faut connaître ce genre de ces sens conventionnels qui sont en rapport avec al-istithna. قال نحو قام القوم إلا زيدا سيمن في الإعراب وانتهى قام فعل ماض مبني على الفتحة القوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره إلا أداة استثناء إلا أداة الاستثناء وكذلك avec les autres termes سيمن صدر غير إلى آخره وزيدا تدي مستثنى منصوب نعم منصوب بالفعل وعلامة نصبه Al-Fatha al-Zahira fi akhirihi. Qu'est-ce qu'il a rendu mansoub? C'est le fi'l. Et sa alama, la Fatha al-Zahira fi akhirihi. Qala wa kharaja al-Nasu illa Amra. Kharaja al-Nasu illa Amra. Les gens sont sortis excepté Amr. Fa kathalika al-Arab, la même chose. Kharaja fi'l al-Madi mabni ala al-Fatha. Wa al-Nasu fa'l al-Marfu' bil fi'l. Wa alamatu raf'ihi al-Fatha al-Zahira al-Damma al-Zahira fi akhirihi illa adatu istithna. وعمر مستثنى منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره هنا il est obligé dans les deux exemples قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمر dans ces deux exemples là زيدا وعمر qui sont les مستثنى ils sont obligés d'être منصوب لماذا parce que le كلام هنا il est quoi c'est un استثنى qui est تام et موجب تام parce que on retrouve ici المستثنى منه qui est dans le premier exemple القوم et qui fait partie de Zayd. Donc plutôt Zayd il fait partie de Qom. Donc là c'est quoi? Un ittisal istithna muttasilun et kadhalika tam dans lequel on le retrouve al mustathna et que Zaydan il fait partie de ce mustathna min. Tam. Et kadhalika dans kharaja an-nasu illa amra kadhalika huna c'est un muttasil istithna muttasil et qui est tam. Parce que amran il fait partie d'une de an-nas de la catégorie du genre de an-nas. Et le mustathamin a été évoqué qui est Annas. Kafarika, la deuxième condition, pour qu'on puisse dire que Zaydan et Amra, ils sont mansoub ala al-wujub, c'est que le kalam, il faut qu'il soit mujab. C'est-à-dire que ce soit une phrase qui soit affirmative. Comme c'est le cas ici, qam al-qawmu illa Zaydan. C'est une phrase qui est affirmative. On ne retrouve pas au début de la phrase ni une interdiction, ni une interrogation, et ni kafarika, une négation. Fa ha c'est un khata de dire qam al-qawm illa zaydun ou bien illa zaydin et kadhalika de dire kharaj al-nasu illa amrin ou illa amrun. On peut que dire amra. Yajib al-nasb and yajib nakuna al-mustathna mansouba idha kana al-kalam idha kana al-istithna muttasilan taman mujaban. Qala rahimahullahu ta'ala qala wa in kana الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو مقام القوم إلا زيد وإلا زيدا إنه دي رحمه الله تعالى أما si jamais le كلام تام la jumla إن كان الكلام منفيا c'est-à-dire qu'il est quoi غير موجب تام منفيا tu peux la كذلك son synonyme et celui qui est évoqué dans les kutub de Nahu il dit غير موجب c'est la même chose c'est-à-dire celui qu'est-ce que al-murad bi manfiya c'est celui dans lequel on retrouve soit un nafi soit un nahi ou bien soit un istifham al-manfi dans bab al-istithna il est aram min al-nafi c'est-à-dire c'est pas juste la négation lakin ça englobe kazalika l'interdiction et kazalika barakallahu fikum l'interrogation l'interdiction et l'interrogation lorsqu'il dit in kana al-kalam manfiya ay in kana al-kalam fihi nafyun aw nahyun aw istifham tam qala in kana al-kalam manfiya taman c'est-à-dire que on retrouve le mustathna min il a été évoqué tam il a été évoqué qala in kana al-kalam manfiyan taman jaza fihi al-badal wa an-nasb ala al-istithna lorsque le kalam il sera manfi tam c'est-à-dire que le mustathna min il a été évoqué et là il parle de l'exemple qui est al mustathna al tam al muttasil dans lequel al mustathna c'est le même genre que al mustathna min et il dit rahimahullah ta'ala dans ce cas-là tu as le droit de rendre al mustathna soit mansoub ou soit yani ala al badaliyya c'est-à-dire al ittiba on va voir on va expliquer qu'est-ce que le badal t'as peut-être un arme à expliquer c'est quoi l'ittiba le badal on l'a vu ou pas le badal on l'a vu ou on l'a pas vu le badal non on l'a vu le badal dans ce genre de situation dans lequel tam le mustathna il est muttasil il est tam غير مجاب ou si tu veux comme l'a dit Mouallif rahmahullah ta'ala tu l'appelles menfi dans ce cas là tu as le choix entre rendre mansoub al-mustathna ou bien de faire al-ittiba. Le rendre mansoub, comme il a dit rahimahullah dans l'exemple, maqam al-qawmu illa zaydan. Fahahuna, il a rendu mansoub. Tam'ala al-istithna. T'as le choix de dire kazalika maqam al-qawmu illa zaydan. Et ça, c'est ala'ish, on appelle al-ittiba al-badal. Comme on avait pu le voir, al-badal, tam, c'est un tabi'a. C'est celui qui suit l'autre dans les arabes, comme on avait pu le voir. Là, tu as le choix. Soit tu le rends mansoub ala al-istithna, ou bien soit tu ra'ifihi al-ittiba. Tu observes al-ittiba, c'est-à-dire que al-mustathna, il va prendre le même i'arab que al-mustathna min. Si jamais il est mansoub, mansouban. Si jamais il est marfou', marfou'an. Si jamais il est majrour, majrouran. Et là, dans l'exemple qu'il a évoqué, al-mustathna min, qui est al-qawm, il est marfou'. Donc si jamais tu observes al-ittiba' dans les arabes du mustathna, tu vas le mettre marfou', parce que ala al-badadiyya, il va être le, il va prendre le même arabe que al-mustathna min. Tu peux dire ma ja'a, ou plutôt il a dit ma qama al-qawmu illa zaydun. Si jamais tu fais les arabes de ma qama al-qawmu illa zaydun, tu diras ma manfiyya. قام فعل ماض مبني على الفتحة القوم فعل وبتو فعل مرفوع بالفعل وعلم ترفعه الفتحة الضمة الظاهرة في آخره وإلا حرف استثناء وبين تدي أداة الاستثناء وزيد مستثنى مرفوع وزيد بدل تجيغا وزيد بدل من القوم والبدل من المرفوع من المرفوع مرفوع مثله. Celui qui vient remplacer un marfou, il sera marfou comme lui. Donc dans ce cas-là, tu as le droit. Et tu as le choix entre l'arabe de al-nasb al-istithna ou bien al-badaliya. Chez même matin, j'aurais dit ma ra'aytu ahadan illa zayd. Je vais évoquer zayd. Dans ce cas-là, bon, si jamais on veut le rendre mansoub al-istithna, c'est pas un problème. Ça, c'est simple. Lakin, si jamais je veux observer al-badaliya, là il sera obligé d'être mansoub. Pourquoi? Parce que al-mustathna min, il est quoi? Il est mansoub. Ma ra'aytu ahadan, qui est ahadan, qui est al-mustathna min, illa zaydan. Je suis obligé de dire illa zaydan. Si jamais je fais al-badaliya, dans ce cas-là, il est obligé d'être mansoub. Soit al-istithna ou soit al-badaliya, parce que le mustathna min, qui est ahadan, il est mansoub. Donc il est obligé d'être mansoub. Dans l'exemple où je dirais ma marantu bi ahadin illa zaydan, j'ai le droit. Si jamais je fais al-badaliya, je dirais quoi? Ma marantu bi ahadin illa zaydin. Pourquoi? Parce que zaydin, il est badal min al-mustathna min, qui est lui majrour. Ma marantu bi ahadin, ahadin huna, c'est le mustathna min. Donc zaydin, il sera obligé d'être quoi? Majrour ala al-badaliya. Yani il va le suivre dans son i'rab. Dans ce cas-là, tu as le droit. Dans quelle situation tu as le droit? Annaka tura'i al-badaliya ou an-nasb 'ala al-istithna, dans le cas où le kalam il est muttasil tam ghayr mujab. Il y a une condition, mais inchallah on va l'évoquer, cette condition-là, dans un autre livre. Dans ce cas-là, tu as le droit de le rendre mansoub 'ala al-istithna ou bien 'ala al-badaliya, c'est-à-dire que tu observes l'i'rab du mustathna min. S'il est marfou', marfou', il sera le mustathna. Mansoub, il sera mansoub. Et majrour, il sera kazalika al-mustathna. Majrour, comme on a pu l'évoquer dans les exemples qu'on a cités. Ma qama al-qawmu illa zaydun. Ma ra'aytu ahadan illa zaydan. Ma marantu bi ahadin illa bi zaydin. Ou plutôt illa zaydin. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala wa in kana al-kalamu naqisan. كان على حسب العوامل. Il nous dit رحمه الله تعالى une autre situation. Il nous dit أما si jamais le kalam il est naqis, c'est-à-dire qu'il n'est pas tam. Ma ma'na at-tam, c'est celui dont al-mustathna min a été évoqué. Son inverse c'est quoi? Naqis. Et on appelle en vérité mufarrah. L'inverse du tam c'est quoi? Mufarrah. Celui dont le mustathna n'a pas été évoqué. Fait nous dire رحمه الله تعالى dans ce genre de situation dans lequel le mustathna minhu il n'a pas été évoqué, il nous dit l'i'rab du mustathna il sera là ala hasab al-awamil, c'est-à-dire ce qui est le amal qui est avant illa. Il a donné des exemples. Il a dit nahwu maqama illa zaydun. Maqama إلا زيد. فها هنا on est face à un istithna qui s'appelle un istithna mufarra et qui est naqis. Ma ma'na naqis, c'est celui qui n'est pas tam. Ma ma'na tam, c'est celui dont normalement le mustathna minhu il est évoqué. Et là, ce n'est pas évoqué, tam. Ma qama illa zaydun, il n'a pas été évoqué, al mustathna min, c'est-à-dire celui qui vient avant, à date de l'istithna, et dans lequel on va extraire al mustathna. Il n'a pas été évoqué hahuna. Fait dans cet exemple-là, quel sera l'i'rab du mustathna? Il nous dit rahimahullah ta'ala ala hasabi al-awamili allati qablaha. Fa dans la jumla maqama zayd maqama illa zaydun, fa zaydun huna il est obligé d'être marfou' ala annahu fa'il. Tam, parce que là ce istithna qui est mufarrah, tam, c'est comme si en vérité tu enlevais quoi? Le ma et illa. Tam, c'est comme si jamais tu disais maqama illa zaydun, c'est comme si jamais tu disais qama zaydun. Maqama illa zaydun, il n'y a que zayd qui s'est levé, c'est comme si jamais tu disais qama zaydun. Allez, c'est comme ça bada. Ce genre d'expression là, maqama illa zaydun, c'est pour apporter la restriction qu'il n'y a que zayd qui s'est levé. Lakin, c'est un peu le même genre d'expression que le fait de dire qama zaydun. Fa l'i'rab dans qama zaydun, zaydun huna c'est quoi? C'est un fa'il. Fa kathalika dans l'i'rab de maqama illa zaydun, ce sera un fa'il. Donc dans ce cas là, dans le cas où al-mustathna, al-istithna plutôt, c'est un istithna qui est mufarra, c'est-à-dire qui est naqis, dans lequel il n'y a pas de mustathna min, le i'rab sera à la hasab mouqi' al-mustathna fil i'rab. L'i'rab sera à considérer selon la position de al-mustathna dans l'i'rab. Si jamais il est marfou', sera marfou', si jamais à la hasab. Dans ce cas-là, il est obligé d'être marfou' parce que c'est un fa'il. Maqama illa zaydun, c'est l'i'rab, c'est ma. حرف نفي قام فعل ماض مبني على فتحة إلا حرف استثناء زيد فاعل مرفوع بالفعل عن طرفه الفتحة الضمة الظاهرة في آخره. قال وما ضربت إلا زيدا كذلك ها هنا. تم زيدا ها هنا c'est plutôt يعني ce استثناء là, c'est un استثناء qui est مفرع, c'est-à-dire qui est ناقص, qui est غير تام. تم toutes ces expressions là, toutes ces appellations là, c'est pour un seul et même titre, qui est al-mustathna, qui est mufarrah. Qala ma darabtu illa zaydan. Faha huna zaydan. C'est un mustathna. Et son i'rab dans la jumla, c'est quoi? Maf'ulun bih. Parce que ma darabtu illa zaydan, c'est comme si on avait dit darabtu zaydan. Et dans darabtu zaydan, il est quoi zaydan? Il est maf'ulun bih. Kazarika dans ma darabtu illa zaydan, il sera maf'ulun bih. Donc l'i'rab, c'est la même chose. Qala ma marantu illa bi zaydin. Huna kazarika. على حسب الموقع على حسب موقع المستثنى من الإعراب فهنا إسخاء مجرور بس كان حرف جر كان رنتر دون تمام فصون اللي رنتر دون فهذا سهل ما مرنت إلا بزيد تمام فالاستثناء كي مفرع dans lequel il y a pas de مستثنى qui soit منفي فصون إسخاء il est obligé d'être منفي تمام celui-là son jugement par rapport à l'إعراب c'est à la hasab al-awamil comme il a dit al-mu'allif rahimahullah ta'ala ou dit à la hasabi mouqi' al-mustathna min al-i'rab fil jumla. Selon l'i'rab du mustathna dans la jumla, et ben tu vas faire son i'rab sur la jumla. Si jamais c'est un fa'il, il sera marfou', si jamais c'est un mafoulun bihi, il sera mansoub, si jamais c'est un ismu majrour, il sera majrour. Fait là, par rapport aux exemples qu'il nous a évoqués rahimahullah ta'ala, il nous a évoqué trois situations dans lesquelles yajib fihi an-nasb, que le mustathna est obligé d'être mansoub. Dans un autre cas où tu as le choix de rendre le mustathna soit mansoub ou bien ala al-ittiba', yani al-badal. Et la troisième situation dans laquelle le mustathna il aura l'i'rab qu'il aura par rapport à sa position dans la jumla. Donc là, il nous a donné trois jugements par rapport al mustathna rahimahullah ta'ala. Il y a d'autres jugements, lakin vu que il y a beaucoup de catégories, il a akhirihi, donc ça demande de réviser. Ça demande de réviser, ça demande de cerner. Si jamais c'est pour la première fois que vous entendez al-istithna, ça demande de cerner en premier lieu. Vu que ça se divise en plusieurs catégories, il a akhirihi, ça demande déjà de cerner. Ça demande de cerner al-mustathna. On va rajouter une catégorie qui est al-mustathna al-munqati'. Al-mustathna al-munqati'. C'est celui dont on avait évoqué de façon dont al-mustathna il fait pas partie du mustathnamin li kulli da'in dawa'un illa al-maut. Tam fa kadhalika dans ce genre de situation dans lequel le mustathna il est munqati', donc là on regarde pas s'il est mujab ou pas. Tam si jamais il est mujab ou pas, on regarde pas, on regarde est-ce que le mustathna Est-ce que le mustathna il fait partie du mustathna min? Si jamais c'est pas le cas, on appelle ça munqati'. Et le fait qu'il soit munqati', il est obligé d'être mansoub. Donc là, deux cas dans lesquels le mustathna est obligé d'être mansoub. Lorsque, il y a un troisième, inshallah, à la kin, ça c'est dans un autre kitab. Lorsque c'est un istithna qui est muttasil, tam, mujab. Qama al-qawmu illa zaydan. C'est impossible de dire zaydun ou bien zaydin. Dans le deuxième cas, lorsque al-istithna, c'est un istithna qui est munqati'. Un istithna qui est munqati', qui soit mujab ou ghayr mujab. À partir du moment que al-mustathna il fait pas partie du mustathna min, tu es obligé de rendre le mustathna mansoub. Comme dans l'exemple qu'on a évoqué, li kulli da'in dawa'un illa al-mawta. Tu peux pas dire illa al-mawtu ou bien illa al-mawti. C'est une erreur grammaticale dans la langue arabe. Et on regarde pas. Dans le munqati', on regarde pas est-ce qu'il est mujab ou pas. Amma dans celui qui est muttasil, c'est-à-dire que dans lequel il y a une relation entre le mustathna et le mustathna min au niveau du jins, tu es obligé de regarder. Est-ce qu'il est mujab ou pas? Si jamais il est mujab, il sera obligé d'être mansoub. Si jamais il n'est pas mujab, il sera, tu as le choix entre ce qui soit mansoub ou pas, mansoub comme il a évoqué, rahimahullah ta'ala. In kana al-kalam manfiyan taman jaza fihi al-badal wa al-nasb. Donc là, dans deux cas, il est obligé d'être mansoub. Dans un cas, tu as le choix, même dans plusieurs cas, mais là, qui n'a évoqué qu'un choix, ce qui est lorsqu'il sera muttasil. Tam, ghayr mujab. Et dans un cas où il sera ala hasab mawqi'ihi min al-i'rab, c'est lorsque ce sera al-mustathna al-mufarrah. Dans lequel il n'a pas été évoqué al-mustathna min. قال رحمه الله تعالى قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. Il nous dit رحمه الله تعالى quant à l'istithna qui va venir après ces حروف là. Naam, ghayr, siwa, plutôt après ces adat-là qui sont des asma, ghayr, siwa, suwa, wa sawa'in. Il nous dit, al-mustathna, il est obligé d'être quoi, majrur? Ala annahu mudafun ilayhi. Majrur, ala annahu mudafun ilayhi, naam. Si jamais, مثلا, on dit, maqama, naam, maqama al-qawmu ghayra zaydin. Maqama al-qawmu ghayra zaydin. Là, il est obligé d'être quoi? Daiman. Tout ce qui vient après, ghayr, siwa, suwa, sawa'in, parmi les adawat al-istithna, ce qui vient après, al-mustathna, il ne peut être quoi? Il ne peut que être majrur ala annahu mudafun ilayhi. Si on fait les arab, مثلاً, d'une des jumlas, maqama al-qawmu, maqama al-qawmu ghayra zaydin ma harfuna fi, qama fi'lun madhi mabni ala fatha, al-qawmu fi'lun marfu' bil fi'l wa 'an tarafihi ad-damma al-zahira fi akhirih ghayr harf istithna na'am wa huwa mudaf wa zaydin mudaf ilayhi majrur bil mudaf wa 'alamat jarrihi al-kasra adh-dhahira fi akhirih. Et kadhalika jamun radi maqama al-qawmu siwa zaydin, la même chose, ou bien suwa zaydin ou bien sawa sawa'a zaydin, sawa'a zaydin. Il est obligé d'être quoi? Il est obligé d'être majrur. Lakin, il faut savoir que par rapport à l'i'rab de ghayr, de siwa et de suwa et de sawa, ces trois là, tout ce qui suit, vu que ce sont des asma'i qui sont mu'arab, ils ont un i'rab kadhalika. Et l'i'rab de ghayr, de siwa, de suwa et de sawa, il aura le même i'rab que le mustathna qu'on a évoqué dans al-mustathna al-muttasil al-tam ghayr mujab mujab munqati' ila akhirih. C'est-à-dire que si jamais un ghayr il est dans une jumla dans laquelle il y a c'est un istithna qui est tam mujab ghayr, il est obligé d'être mansoub. مثلا شيء مش je dis قام القوم غير زيد. Tam ghayr هنا j'ai pas le droit de dire قام القوم غير زيد. Parce que là, on est dans une jumla qui est quoi? Dans une jumla qui est le istithna tam mujab. Tam muttasil tam mujab. Dans ce cas-là, ghayr, il est obligé d'être quoi? Mansoub. Tam. Et kadhalika siwa wa suwa. Tam. Les deux, bon, l'arab sera muqaddar, sous-entendu. Tam. Lakin, sawa, kadhalika, il sera avec une fatha. Tam. Ma, ou plutôt, j'avais dit quoi? Nam. Qama al-qawmu sawa. Zaydin, sawa a zaydin, ay sawa a zaydin. Amma, le mustathna qui vient après, ghayr, siwa, suwa, sawa, comme il a dit. Majrur ala annahu mudaf. Lakin, nous on parle maintenant de l'i'rab, de ce adat al-istithna. Illa, lui, il n'a pas d'i'rab parce que c'est un harf. Est-ce qu'il y a harf, il n'y a pas d'arabe. Lakin ghayr, wasiwa, wasuwa, wasawa, ils ont un arabe. Parce que ce sont des asma. Et vu que ce sont des asma, ils ont un arabe. Quel est leur arabe? Ce sera le même arabe que le mustathna dans les situations qu'on a évoquées. Si jamais il est dans une jumla, ghayr, siwa, suwa, et sawa, in, ou plutôt sawa, si jamais il est dans une jumla dans laquelle c'est un muttasif, tam, mujab, ils seront obligés d'être quoi? Mansouf. Si jamais ils sont dans une jumla dans laquelle c'est un istithna qui est munqati', kazalika, il sera obligé d'être mansoub. Si jamais il est dans une jumla qui est muttasil, tam, ghayr mujab, il sera obligé, en fait, plutôt, tu auras le choix de le rendre majour, tu auras le choix de le rendre mansoub ou bien badal. On va évoquer un exemple pour tous. Qama al-qawmu ghayr zaydin, ou sawa'a zaydin. Là, il est obligé d'être mansoub parce que c'est un muttasil, tam, mujab. Munqati', tam. Ma, na'am. ما حضر الطلاب غير المدرسين ما حضر الطلاب غير المدرسين هنا غير il est obligé d'être quoi il est obligé d'être منصوب parce que on est dans une jumla qui est quoi منقطعه المدرسون ils font pas partie du jins de الطلاب الطلاب شيء المدرسون ce sont une autre chose fa dans ce cas là مدرسين il est obligé d'être مضاف إليه لكن غير هنا il est obligé d'être quoi il est obligé d'être منصوب parce que il est استثناء dans une jumla qui est quoi منقطع والاستثناء المنقطع يجب فيه أن يكون الاسم ou plutôt أن يكون اسم الاستثناء أن يكون منصوبا dans une jumla dans laquelle on a le choix ما قام القوم غير زيد أو مقام القوم غير زيد مقام القوم سواء زيد مقام القوم سواء زيد dans ce cas là tu as le choix avec siwa avec sawa et ghayr de le rendre mansoub على أنه على الاستثناء ou bien de le rendre على البدل c'est à dire que on va l'arabe sera en fonction du mustathna qui est juste avant lui. Si jamais il est marfou, ghayr sera marfou, comme c'est le cas ici, maqama al-qawmu ghayra, tam, ghayru, plutôt parce que c'est le badal on veut, maqama al-qawmu ghayru zaydin, tam, fa ghayru huna, on a rendu marfou par rapport au qawm, qui est le mustathna min, qui est marfou, tam, donc lui, kadalik, il sera quoi? Il sera marfou à l'al-badal. Ma ra'aytu ahadan ghayra Zaydin. Dans ce cas-là, on est obligé d'être mansoub dans les deux cas. Parce que le premier cas, c'est le badal. Et vu que Ahadan est mansoub, donc Ghayr est obligé d'être mansoub. Et Kadalika, ça va. Et Kadalika, si jamais ça va, l'istithna est obligé d'être mansoub. Ma marantu bi Ahadin Ghayri Zaydin. Là, dans ce cas-là, tu as le choix de dire Ma marantu bi Ahadin Ghayra Zaydin ou bien Ma marantu bi Ahadin Ghayri Zaydin. Ghayra ala annahu. Parce qu'il est dans une jumla qui est muttasila tam, ghayr mujab tam, il y a un nafi on peut le rendre mansouf comme on peut le rendre ala al-badaliya, al-ittiba' il suit l'i'arab du al-mustathnamin qui est hauna dans cette jumla là, dans cet exemple là ma marantu bi ahadin, il est majrour donc ghayr, si jamais j'observe al-ittiba' il sera obligé d'être quoi il sera obligé d'être majrour قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نعم يجوز نصبه par rapport au fait qu'on les considère comme si jamais c'était des afal tam afal madhiya certains ont dit khala wa'ada wa hasha ce sont des afal madhiya tam ils ont le sens de al istithna lakin ce sont des afal madhiya tam dans ce genre de situation là ce sont des afal qui sont quoi madhiya c'est pour ça qu'il a dit adatu نعم بس نقع على دي حروف الاستثناء لكن عندي با حروف الاستثناء تام لو دبي لابدي حروف الاستثناء نو دان ديفينيسيون لابدي دي أداة الاستثناء اي سي ميور دو دير أداة الاستثناء باسكو دون الاستثناء يا دي حروف كوم إلا اي كذلك دي أسماء كوم غير سوى سوى سوى نعم اي تونا كي سون كوا دي أفعال كوم خلا وعدا وحاشا دونك لو في دو دير حروف الاستثناء ثمانية سي فو تام باسكو يونا ce sont des ahruf, il y en a ce sont des asma et il y en a ce sont des af'al. Donc c'est mieux de dire, si jamais il aurait dit le mu'allif, rahimahullah ta'ala, adatul istithna thamaniya, ça aurait été ahsan. Fait nous dire, rahimahullah ta'ala, qala wal mustathna bi khala wa ada wa hasha yajouz nasbuhu, ay ala anna khala ada wa hasha, ce sont des af'al. Et ce qui vient après, c'est-à-dire le mustathna, ce sera considéré comme étant un maf'oulun bih. Qala wa jarruhu, et ça si jamais on prend en considération que ala, plutôt khala, ada et hasha, ce sont des ahruf. Ikhtalafu al-ulama. Est-ce que khala, wa'ada, wa'hasha, ce sont des af'al, ou bien est-ce que ce sont des ahruf, qui ont la même fonctionnalité que les huruf al-jar. Ikhtalafu al-ulama dans cette mas'ala-là par rapport à l'istithna bi khala, wa'ada, wa'hasha. Dans ce genre de situation-là, tu fais comme tu veux. Si jamais tu les considères comme étant des af'al, le mustathna qui va venir après, ce sera mufrun bihi, donc il sera obligé d'être mansoub. Si jamais tu les considères comme étant des ahruf, qui ont la même fonctionnalité que le harfun jar, et bien ce qui va venir après, ce sera comme si tu vas les considérer comme si c'était des asma majrura. Il nous dit nahwa, plutôt nahwa, qama al-qawm khala zaydan. Si on fait l'arabe, qama fi'al al-madi mabni ala al-fatha. Al-qawm fi'al al-marfu' bil-fi'al, wa alamat al-raf'ihi al-fatha al-damma al-zahira fi akhirihi. Wa khala, huna, on dira fi'al al-madi mabni. Le fa'il, il n'évoque pas. Certains ils évoquent le fa'il, ils disent c'est huwa. Lakin, le mieux c'est de ne pas l'évoquer. Il y a pas deux sortes d'arabe, c'est-à-dire soit tu dis il y a un fi'al et un fa'il, et certains ils disent c'est comme si jamais ce sont des af'al, lakin qui sont considérés comme étant un harf. Parce qu'ils font partie d'une akhawat illa et illa c'est un harf. Donc le fait qu'ils soient, qu'ils rentrent dans les akhawat de illa, c'est comme si jamais c'était un harf. Même si jamais, pour certains, ce n'en est pas. Donc le fait qu'ils ressemblent à un harf, on fait comme si jamais c'était un harf. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fa'il. Donc ce cas-là, donc, tu ne considères pas, même si jamais on dit dans les arabes que khala c'est un fi'al, pour ceux qui considèrent comme si jamais c'était un fi'al, ceux qui ont considéré que c'était un fi'al, ikhtalafu. Est-ce qu'on évoque le fa'il ou pas? Et est-ce qu'on ne l'évoque pas? As-sahir, il n'y a pas de sahir à laquelle le plus simple c'est que tu n'évoques pas le fa'il dans les arabes. Et si tu veux l'évoquer, tu l'évoques. Et le fa'il, il est obligé d'être quoi? Mustatir. Il est obligé d'être mustatir. Et il faut qu'il soit en conformité avec le mustatna qui arrive derrière. Qala maqam al-qawmu khala, donc fi'al al-ma'andi, mabina al-fatha. Wa zaydan, il est mustatna mansoub, bil-fi'al, qui est quoi? Khala. Qala. Wa Zaydin, si jamais tu prends en considération que khala ce sont des ahruf. Et Zaydin, hona, ce sera l'arab ismu majrur. Ismu majrur. Qala wa ada na'am. Et ma qama al-qawmu ada amran wa amrin. Wa hasha bakran wa bakrin. C'est la même chose par rapport à l'arab. Ça, c'est la khulasa par rapport à l'istithna. En espérant, inshallah, que ce bab-là, il a été compris, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Il est simple, lakin yahtaj que la personne fasse une khulasa, elle écrit bien dans son cahier, afin de mieux cerner le kalam hawla hadhihi al-mas'ala. Parce qu'il y a un à chaud comme ça, lorsqu'on est face à un écran, ou bien on écoute directement, sans réécrire directement, ça peut être compliqué. Et je vous invite à réviser cette mas'ala-là, qui est l'istithna, dans le tome 4. Dans le tome 4 et dans le tome 3, enfin dans le tome 3, moi j'ai le tome 3 qui était considéré avant comme étant le tome 3 dans lequel il y a le 3 et le 4. Donc ceux qui ont le tome 4, je ne connais pas la page, mais ceux qui ont le tome 3 dans lequel il y a le 3 et le 4, tome c'est à la page 263. À la page 263, mashallah, il y a un bon résumé. Il y a un bon résumé de cette mas'ala-là qui est al-istithna. Donc, inshallah, tabaraka wa ta'ala, on se contente de cela. Et afwan par rapport à la coupure, lakin, c'est une chose qui arrive. Ce sont au-dessus de nos capacités. Ça arrive, pas souvent à Djibouti, lakin, ça arrive. Et quand ça arrive, on fera comme cela. Parce que des fois, ce sont des interruptions qui peuvent durer 5 minutes. Et des fois, ce sont des coupures qui peuvent durer une année, des fois une heure et l'akhiri. C'est très très rare, lakin, ça arrive. Et si jamais ça arrive, bah, inshallah, tabaraka wa ta'ala, je continue le cours et ensuite on le poste sur le site et vous profiterez, inshallah, du téléchargement, bien de l'écoute via les réseaux sociaux par rapport à cela. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa salli Allahumma sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.